Carole, écoute, voilà, j'ai fini la lettre pour le type des autoroutes. Ah, super. Une année. Alors, Paris, le 9 mai 1982. Monsieur le directeur, Société des autoroutes, 41 bis avenue Bosquet, etc. Monsieur le directeur, il y a quelque temps, votre société m'avait demandé mon accord pour publier dans l'une de vos revues des passages de ma nouvelle intitulée « L'autoroute du Sud ». Ah, bien sûr, je l'avais accordé avec beaucoup de joie. Attention. Voilà que maintenant, je m'adresse à vous pour vous demander à mon tour une autorisation d'un genre tout à fait différent. Avec ma femme, Carole Dunlop, ici présente, également écrivain, nous envisageons une expédition un peu folle et pas mal surréaliste qui consisterait à parcourir l'autoroute entre Paris et Marseille à bord de notre combi Volkswagen, équipé de tout le nécessaire, en nous arrêtant sur les 65 parkings de l'autoroute, à raison de 2 par jour, c'est-à-dire en mettant un peu plus d'un mois pour faire le trajet Paris-Marseille, sans quitter jamais l'autoroute. Jamais. Ah oui, ça. Tu pourrais le souligner peut-être, jamais. Attends, parce qu'il faut l'amener petit à petit. Nous avons l'intention, en dehors de la petite aventure que ceci représente, d'écrire au fur et à mesure du voyage un livre qui raconterait d'une façon tout à fait littéraire, poétique, humoristique, les étapes, événements et expériences divers que va nous offrir sans aucun doute une expédition aussi étrange. Cela s'appellera peut-être Paris-Marseille par petit parking, et bien sûr, l'autoroute serait la protagoniste principale. Voilà pour notre plan, qui serait mené à terme, avec l'appui de quelques amis chargés de nous ravitailler tous les 10 jours, en dehors de ce que nous trouverions évidemment dans les aires de l'autoroute. Le seul problème, attention là, c'est l'essentiel, il faut que ça soit clair, c'est ça que je voudrais que tu me dises. Le seul problème est que, à notre connaissance, une voiture ne peut pas rester plus de 2 jours sur l'autoroute. C'est pourquoi nous nous adressons à vous, cher monsieur, pour vous demander l'autorisation qui, le moment venu, nous éviterait d'avoir des ennuis aux différents péages. C'est parfait. Si vous pensez que notre idée de faire un livre sur ce sujet n'est pas désagréable à votre société, un petit coup de cirage en passant, et qu'il n'y a pas d'inconvénient à nous autoriser à vivre un mois en nous déplaçant à raison de 2 parkings par jour, j'aimerais avoir votre réponse dans les meilleurs délais, car nous voudrions partir vers le 23 de ce mois de mai. Les autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille, de Carole Dunlop et Julio Cortazar. Car étant connu comme écrivain, nous pourrions être dérangés dans notre solitude d'expéditionnaire. Le jour venu, notre livre se chargera de raconter l'histoire à tout le monde. En vous remerciant à l'avance de votre bienveillance, cher monsieur, à ce sujet, je vous prie d'agréer, etc., etc., hein, Julio Cortazar. Épisode 1, préliminaire. Cette lettre fut envoyée le 9 mai 1982. Le 23 mai, après avoir pour la dernière et infructueuse fois ouvert notre boîte à lettres, nous décidâmes que 2 semaines devaient amplement suffire à une société commerciale, aussi encombrée fut-elle d'ordinateurs et de secrétaires bilieuses, pour répondre à notre modeste demande. Nous regardant droit dans les yeux, nous échangeâmes une poignée de main énergique. Coéquipier, demain, à 4h de l'après-midi, nous mettrons le cap vers notre destin. Vamos, compañeros. Tu m'embrasses. Où le patient lecteur assistera à la présentation successive des protagonistes de l'expédition et prendra connaissance de leurs caractéristiques les plus notables. Les auteurs auront souvent l'occasion ici de dialoguer ou de faire allusion l'un à l'autre. Comme il est normal, ils s'appelleront par leur prénom. Et comme il est plus normal encore, ils s'appelleront aussi par leur surnom, qu'il leur paraît légitime de révéler dès à présent au lecteur. Aussi verra-t-on des allusions fréquentes à l'oursine. Traduction libre de Osita, autrement dit, petite ours, décidée par Julio. Et au loup. Quant à Fafner, notre véhicule, il se voit souvent qualifié de dragon. Le dragon, je crois qu'il est grand temps de vous le présenter, est une espèce de maison ambulante ou coquillage à roues que mon goût obstiné de Wagner m'a fait appeler Fafner. Une Volkswagen rouge, où il y a un réservoir d'eau, une banquette qui devient un lit, et à laquelle j'ai ajouté la radio. Une machine à écrire, des livres, des bouteilles de rouge, pas mal de bouteilles de rouge, des sachets de soupe et des gobelets en carton. Plus plus un short de bain, pour si l'occasion se présente. Une lampe butane, un réchaud grâce auquel une boîte de conserve devient un repas chaud, tandis qu'on écoute Vivaldi ou qu'on écrit ses pages. J'ai donné aux êtres que j'ai aimés et que j'aime des noms qui naissent d'une rencontre, d'une coïncidence entre des clés secrètes. Et alors des femmes furent des fleurs, des oiseaux, des animaux des bois. Élus des amis avec des mots qui changeaient, une fois un cycle accompli, l'ours pouvait devenir un singe, tout comme une femme aux yeux clairs fut d'abord un nuage, puis une gazelle, pour devenir un soir mandragore. C'était notre côté conte de fées. Écologie opiniâtre. Notre bonheur en plein fracas technologique que nous abolissions en nous aimant, Fafner, l'oursine et moi. Où l'on verra que les expéditionnaires des années durant se sont trompés de chemin. Jusqu'à l'été 1978, ô pâle et intrépide lecteur, nous appartenions encore l'un l'autre à cette race de mortels qui prennent l'autoroute pour ce qu'elle paraît être. Un ouvrage moderne minutieusement étudié pour permettre à des voyageurs, enfermés dans des capsules à quatre roues, de parcourir un trajet facilement vérifiable sur une carte et généralement déterminé d'avance, en un minimum de temps et avec un maximum de sécurité. Oui, je dirais que nous appartenions à une race intermédiaire d'autoroutiers. C'est-à-dire tout de même opposé à ceux qui ne s'arrêtent que lorsque leur belle-mère leur déclare des larmes dans les yeux que faire pipi dans leur culotte à leur âge serait suffisant pour la pousser à modifier son testament. Ou encore ceux qui, voyant leur petit dernier passer du vert au blanc de chaud et ne même plus avoir la force de donner des coups de pied contre le dossier du conducteur, comme c'était le cas depuis 3 heures, pour clamer sa faim, s'arrête le plus près possible de l'autoroute afin de sortir enfin les sandwichs du coffre arrière et les avaler en vitesse debout à 3 pas d'une table de pique-nique et parfois même à 10 mètres d'un bois plein d'ombre et de surprises. Pour tout dire, jusqu'à l'été 1978, l'autoroute ne semblait pas revêtir à nos yeux une importance particulière et nous allions jusqu'à l'oublier des mois d'affilée. Elle ne semblait pas appelée à jouer dans nos vies un rôle aussi important que le métro parisien, par exemple, ni même égaler celui de certaines compagnies d'aviation. Ce en quoi nous nous trompions, et sans l'esprit scientifique qui a présidé à toute l'élaboration de ce projet, ce même esprit qui en a été à l'origine, nos mentalités seraient peut-être restées fermées à tout jamais à cette grande voie qui s'étalait en vain devant nos yeux depuis des années, devant nos yeux scellés alors par l'ignorance. Où l'auditeur comprendra que les diables prennent leurs vacances au mois de juillet et les conséquences qui en découlent. 20 donc l'été 1978. Cette année-là fut celle où l'été n'arriva que dans quelques villages du midi de la France. Le reste du pays étant plongé dans un règne obscur de pluie presque continuelle et secoué par des vagues de froid successives. Sans avoir consulté la météorologie, mais la science est presque toujours une affaire d'intuition, nos protagonistes se réfugièrent justement dans l'une des zones où l'eau ne tomba pas de l'été, pour y chercher leur part de tranquillité et de paix. Deux choses qui leur faisaient cruellement défaut depuis longtemps déjà. Sache, pâle et aimable lecteur, que tout homme ou femme qui veut vraiment vivre sa vie, au lieu de la regarder s'enfuir, risque de la perdre à tout moment pour des raisons qui ne sont pas nécessairement de l'ordre des périls corporels, et que les téméraires protagonistes de cette aventure commençaient à peine, à l'époque qui nous concerne, à émerger d'une période de tourbillons néfastes où ils avaient failli laisser leur peau respective. Ne vois donc pas dans cette retraite le signe seul d'une paresse égoïste, même si cette dernière ne fut évidemment pas exclue de la fête. Bon, on se met à table, non ? Allez, hop, Dis-nous de planer du pain. Oui, tiens, j'ai fait des tomates mozza. Soleil, calme, horizon dégagé. Il y a de la musique, des fêtes. Et des siestes. Nos deux personnages allèrent jusqu'à se remettre devant leur machine à écrire, après de longs mois d'abstinence. Les diables étaient en vacances. Et innocents comme peuvent l'être des loups et des oursines, les nôtres en conclurent qu'ils avaient réussi à vaincre ces forces du mal. Il ne faut jamais crier victoire, du moins jamais à haute voix, car les diables, bien que vaniteux et peu intelligents, possèdent l'esprit de contradiction. Si bien que du jour au lendemain, Alors qu'au dehors, le temps était toujours au beau fixe, l'orage se mit à sourdre lentement de l'intérieur même de la maison. Des objets jusqu'ici amis commencèrent petit à petit à s'opposer à nos moindres gestes quotidiens. Le frigidaire qui auparavant nous accompagnait de son ronronnement satisfait de fabricateur de glaçons se mettait à rugir chaque fois que nous voulions écouter un disque. De l'eau chaude se mit à couler du robinet qui nous avait toujours donné de l'eau froide. Et vice-versa. Provoquant des cris et traumatismes divers. Le courrier lui-même changea de nature. Et nous ne trouvions plus que des mauvaises nouvelles, factures, bilans négatifs. Les couteaux, alors que nous ne leur demandions que de couper une pêche ou du fromage, s'arrangeaient pour nous mordre. Et tandis qu'on faisait des acrobaties manuelles afin d'éviter leurs dents, leurs amis les fourchettes venaient nous piquer en traîtres. Mais comment on peut vivre en paix avec ces agressions infernales? On ne se laissera pas faire. No pasarán. Un jour, en allant vérifier quelque chose dans le placard à chaudière, nous poussâmes un cri. Un grand oiseau venait de s'envoler. Était-ce là le dernier signe? Un émissaire des forces obscures qui nous lançait un avertissement? Ou plutôt le dernier représentant de la lumière, qui, pressentant la catastrophe, prenait la fuite pendant qu'il en était encore temps? Deux jours plus tard, les forces obscures s'emparèrent de l'Oursine. Deux semaines durant, il sembla qu'elles allaient gagner la partie. Les diables ignoraient toutefois que les oursines captent la lumière même au cœur de l'obscurité et savent en dernier recours la faire doubler d'intensité. Quand l'oursine émergea enfin des ténèbres, elle savait déjà que le loup avait eu raison de dire « non pas salam ». Mais elle avait aussi compris combien était fragile la petite membrane dont il s'était entouré pour les empêcher de passer. L'expérience laissa nos deux comparses épuisés physiquement, surtout par ce qu'elle avait comporté d'ambulance, de peur et de nuit de veille pour tous les deux. C'est encore flagellant qu'ils en furent se reposer chez leurs amis tiercelins, à Serres. Les diables n'ont pas accès à Serres. Tiens, écoute-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir, attends. C'est exprès pour Gilou, qui découvre comment on séduit une dame. Mademoiselle Dunlop, si vous voulez bien prêter votre corps. Monsieur Mortazar. Le calme et l'amitié aidant, nos futurs explorateurs finirent de panser leur plaie et décidèrent un jour qu'ils étaient assez forts pour remonter vers la capitale. Très doucement. Parce que le loup voyait quand même que l'oursine avait encore le poil un peu dégarni et pas très très reluisant. Bon, allez. C'est obligé qu'ils partent aujourd'hui. Jean, merci beaucoup. C'était vraiment essentiel et un bonheur comme d'habitude. Bah, c'était formidable, Polio. Repartir de Serres nous fut difficile. S'arracher uniquement parce qu'il le fallait à la tendresse et à l'amitié de Raquel et de Jean Tiercelin, aux blagues de leur fils Gilles, sans parler des coups de langue encourageants que nous prodiguait Carlotta, leur chienne crocodile dans nos moments de découragement. T'enverrai une carte, d'accord ? S'arracher aussi à la lumière du midi. Aux longues heures de conversation et de solitude ne fut pas facile. D'autant plus que nous savions que les diables nous attendaient à Paris. Ils nous lançaient même des appels depuis quelques jours, pour que nous arrivions plus vite. Bah oui, ils s'ennuyaient, les pauvres, ne pouvant vaquer à leurs divers scandales et mauvais coups en notre absence. Embrassades, étreintes, coups d'œil quand même inquiets, et ces remerciements que l'on s'est exprimés. C'est ainsi que, fragiles comme des revenants, nos deux protagonistes, éreintés, mais forts de la connaissance du véritable No Pasarán, entreprirent un retour qui allait donner naissance à l'idée géniale que l'on sait. Autrement dit, au projet du Paris-Marseille, avec étape à tous les parkings. T'es pas fatigué? On va s'arrêter un peu sur une aire d'autoroute. Et si on dormait sur place? On a 5 jours pour rentrer à Paris, prenons notre temps. On va s'arrêter à Cavaillon. Et Fafner, sois gentil, prends la prochaine sortie. Là, à droite. Hop. Iguine, notre dragon. On va en profiter pour lui donner à boire. Station essence dans 800 mètres, Fafner. Oursine. T'as vu ces types en salopette jaune orange là? Ils ont une technique pour vider les poubelles. Des vrais pros. Et le camion, là, son nom? Je parie qu'il contient plein de choses secrètes que personne ne soupçonne. Je vais me garer, là, derrière les arbres. Qu'est-ce qu'on est bien ici. On pourrait continuer à ce rythme, comme des voyageurs de diligence. On s'arrêterait un bon moment dans chaque parking. On pourrait faire un parking par jour, hors du monde. Tu te rends compte? Transformer ce monstre de la vitesse en une croisière de détente, en toute liberté. Plus de téléphone, à rien. Personne ne pourrait nous retrouver sur l'autoroute. Et même si quelqu'un nous reconnaissait, il ne lui viendrait jamais à l'idée que nous habitons l'autoroute. Oh, bien au contraire. Il pourrait servir notre cause en envoyant tous les diables sur une fausse piste. Je les ai vus à la hauteur de Mâcon, ils allaient sûrement à Lyon. Ou à Avignon. Qui pourrait soupçonner que nous n'irions nulle part, en fait? Oui, mais alors il faudrait faire les choses de façon très scientifique. Un livre de voyage, comme les anciens explorateurs. Ouais, tu te rends compte? D'écrire chaque parking, ses aventures, les gens qui y passent. Une autre autoroute, en somme. Bourchine, on le fait? On le fait. Nous rentrâmes à Paris tranquillement, mûrissant notre idée. À l'automne 1978, donc, les bases de l'expédition étaient déjà jetées avec les règles du jeu suivantes. 1. Faire le voyage de Paris à Marseille sans quitter l'autoroute une seule fois. 2. Prendre connaissance de chaque parking, à raison de 2 parkings par jour, en passant toujours la nuit dans le deuxième, quel qu'il soit. 3. Faire des relevés scientifiques de chaque parking et prendre note de toute autre observation pertinente. 4. S'inspirant peut-être des récits de voyage des grands explorateurs du passé, écrire le livre de l'expédition. Modalité à déterminer. Allô? Voilà. Ah, Julio. Lui-même. Ah, vous êtes bien rentré? Oui, oui, ça s'est bien passé. On a mis quelques jours pour rentrer, on a pris notre temps, mais du coup, ça a mis des projets en route dans notre tête. Ah. Ici, Carlotta ne mange plus ses croquettes avec autant d'appétit depuis que vous êtes reparti. Aïe, aïe, aïe. Tu lui adresseras un chaleureux coup de langue de notre part. Dis-moi, mon petit Jean. Oui. Je voudrais te raconter un nouveau projet qu'on a en tête. Je t'écoute. Oui, mais tu nous soutiendras. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu sais bien que tu peux compter sur moi les yeux fermés. Donc, c'est d'accord. Mais oui, bien entendu. Bon, alors voilà. On va se lancer avec Carole dans une nouvelle expédition. Ah, tiens donc. Raquel. Oui. Viens écouter ça. Oui. En fait, l'idée... Bonjour, Julio. Hola. Ouais. L'idée, ça serait de faire un nouveau genre de voyage interplanétaire, mais un peu à notre façon, à nous, quoi. On partirait de Paris. Non seulement les tiercelins se montraient ravis, mais notre brave capitaine Jean offrit de venir nous ravitailler jusqu'à Corbeil, s'il le fallait. Nous parlâmes du même projet à quelques fidèles amis, et malgré l'intervention des diables, nous finîmes par partir 4 ans plus tard. 4 ans, jour pour jour, après avoir tenté de s'emparer de l'oursine, les forces obscures se jetèrent, sauvages et impitoyables, sur le loup qui émergea enfin bien des longs jours plus tard des ténèbres. Écoute ça, Carole. Aucun voyage, quel qu'il soit, aucun travail, rien ne nous empêcherait de le faire. Prouver qu'on pouvait réaliser ce voyage-là, c'était nous prouver quelque part que nous avions des armes contre tout le ténébreux, non seulement dans ces grandes manifestations comme celles qui venaient de nous laisser si fragiles, mais aussi dans ces expressions les plus sournoises, la banalité des obligations de tous les jours, les engagements qui ne sont rien en soi, mais qui mis ensemble nous éloignent chaque fois plus de ce centre où chacun espère vivre sa vie. Ma maladie était un avertissement. Ne pas vivre sa vie dans ce qu'elle a de plus réel est un crime. Non seulement envers soi-même, mais aussi envers les autres. Dès lors, nous tînmes bon. Aucune invitation ne fut acceptée, malgré des campagnes déchaînées visant à assurer la présence du loup à tel ou tel endroit au mois de mai et de juin. Et c'était pas facile, vu qu'il nous était impossible d'expliquer notre empêchement. No pasarán. Nosotros sí. C'est ainsi que nous emportâmes... Whisky à gogo, vin idem, bon, on a l'essentiel. Parfait. Une douzaine d'œufs, 2 bouteilles d'eau minérale. Parmigiano râpé. du beurre, huile, vinaigre, moutarde, Nescafé, thé, dessert, fruits et crème en conserve, jambon, viande, boîte de sardine, mayonnaise en tube, maïs, petits pois, pois chiches, haricots, macédoine en conserve, choucroute en bocal, sel, poivre, pain de seigle, tiens sous cellophane, marmelade d'orange, bien vu, biscotte, fromage varié, tout un plateau, riz, pour le riz à la cubaine, spaghetti, fruits, oignons, salade, tomates, bien sûr. Et l'essentiel, du chocolat. Attends, je vais voir s'il y a ça. Nous emportions du chocolat, mais en très petite quantité. Nous voulions éviter tout luxe en matière de friandises, persuadés qu'une expédition de cette nature devait s'effectuer sous le signe de l'austérité. Nous ne parlerons pas de la trousse de pharmacie. Chacun ayant ses manies. Ou ses besoins. Ne pas oublier cependant que sur l'autoroute, il n'y a pas de pharmacie et qu'il nous fallait prévoir tout le nécessaire. Autonaute de la Cosmoroute. L'autre chemin. Et cependant le même. C'était Les Autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille, de Carole Denlop et Julio Cortázar. Adaptation, Leslie Menahem. Avec Bruno Abraham Kremer, Julio Cortázar, Violaine Schwartz, Carole Denlop, Olivier Cruveillé, Jean Tiercelin, Pauline Ziadé, Gilles Tiercelin, Odja Lorca, Brynhilde Mascré, Valérie Moinet, Raquel Tiercelin. Bruitage, Patrick Martinache. Musique originale, Dominique Massa. Interprété par Mathieu Beauchat, Virgile Lefebvre, Erwan Ricordo, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Martin Delafosse, Marie Jaworski. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. Remerciements à Daniel Coulon et à son combi Volkswagen. Les Autonautes de la Cosmoroute, de Carole Denlop et Julio Cortázar, traduit par Laure Guil Bataillon et Françoise Campo, a été publié aux éditions Gallimard.